Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici tout de suite la carte menu. La situation précaire dans laquelle vivent les migrants internes ou les étrangers installés au Burundi inquiète le gouvernement. C'était lors de la célébration de la Journée internationale des migrants ce mardi que cette question a été soulevée. Plus de détails, c'est dans cette édition. Certains étudiants de l'Université du Burundi trouvent que les activités politiques, surtout les réunions organisées par le parti politique au pouvoir dans les campus dégrade l'éducation. Il réclame à la suspension de ces dernières. Sur la carte menu également, dans les nouvelles de province, à Kayanza, une pratique dite Umugwazo consistant à acheter les plantes de maïs non mûries s'observe en commune Muruta. Les habitants ainsi que le gouverneur de la province Kayanza s'inscrivent en faux contre cette pratique. Vous aurez plus de détails avec notre correspondant Anselme Milambona sur la mise en onde de Revengabi et je suis à la présentation. Bienvenue à l'écoute de cette édition. La radio de l'avenir. Le chef collinaire de Gachacha Karonda et deux autres hommes de cette colline sont retenus au cachot de la police de Lomongue depuis l'après-midi de ce mercredi. Ils sont accusés de détournement des fonds publics par de fausses déclarations pour indemnité par le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 3 tronçant Lomongue-Nyanzalac. La vérification par l'agence routière du Burundi ARB des listes des personnes indemnisées sur ce tronçon a commencé ce mardi sur cette colline. Jean-Pierre Misago. Les trois personnes ont été arrêtées par la police de Lomongue, mais sur ordre de la brigade spéciale anticorruption, selon des sources auprès du commissariat provincial de police de Lomongue. Ils sont accusés d'avoir empoché d'énormes sommes d'argent représentant les indemnités pour leurs biens concernés par le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Lomongue-Nyanzalac, des indemnités calculées sur base de fausses déclarations ayant entraîné d'énormes pertes à l'État burundais. Il s'agit des arrestations intervenues au deuxième jour d'une campagne de vérification par l'agence routière du Burundi des listes de ceux ayant reçu des indemnités sur ce tronçon, une vérification au cours de laquelle des cas de surévaluation des biens à indemniser ont été identifiés dès le premier jour. Le chef de colline Gachacha devient le deuxième chef collinaire arrêté en commune Lomongue pour surévaluation des indemnités après le chef collinaire de Mutambara, actuellement détenu à la prison centrale de Mimba, avec l'un de ses conseillers et le technicien contrôleur chargé des indemnités à l'agence routière du Burundi. Jean-Pierre Misago depuis Lomongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago pour tous ces détails. Le gouvernement burundi est préoccupé par des migrants vivant dans des conditions précaires, que ce soit les migrants internes ou des étrangers installés sur le sol burundi. Ceci a été évoqué ce mardi par Domitille Ndikuriyo qui a représenté le ministère des Relations extérieures lors de la célébration de la Journée internationale des migrants. De son côté, la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) affirme que la migration devrait être valorisée et rester un choix. Mireille Kanyangé. Lors de cette célébration de la Journée internationale des migrants, Domitille Ndikuriyo, ayant représenté le ministère burundais des Relations extérieures, a rappelé que la migration a des impacts soit négatifs, soit positifs, et le gouvernement, dit-elle, intervient dans les deux sens. Dans le cas où les impacts sont négatifs, tous les intervenants en la matière doivent conjuguer leurs efforts. Le gouvernement du Burundi et tous les acteurs impliqués dans la migration doivent fournir des efforts pour que cette migration soit saine, pour que chaque migrant se sent aisé dans le développement du pays en général, que ce soit le pays d'origine, que ce soit le pays de destination, que ce soit le pays de transit. De son côté, Vijaya Suri, chef de mission de l'Organisation internationale des migrations OIM, affirme que la migration devrait être un choix et non forcé. Pour l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, Vraiment, il faut que la migration et la mobilité soient un choix et pas une nécessité. Tellement souvent, on voit et on entend des histoires où la mobilité ou la migration est forcée. Or, pour nous, c'est un vecteur de développement économique, c'est une opportunité de prospérité, c'est une opportunité d'échange. Et pour nous, la migration devrait être valorisée et ça doit toujours rester un choix. Et c'est un choix individuel et collectif. Et tout le monde peut contribuer à ce but pour une migration ordonnée, sûre et régulière. Un choix. Et c'est un choix individuel et collectif. Et tout le monde peut contribuer à ce but pour une migration ordonnée, sûre et régulière. La Journée internationale des migrants est célébrée le 18 décembre de chaque année. Mireille Kanyang, je vous l'avais dit dans les titres, certains étudiants de l'Université du Burundi déplorent les activités politiques qui se déroulent dans les campus, surtout les réunions organisées par le parti politique au pouvoir. Ces étudiants demandent aux instances habilitées de les suspendre du fait qu'elles peuvent provoquer la dégradation de l'éducation. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD indique que seuls les responsables de l'université et le ministère en charge des partis politiques peuvent s'exprimer sur ce cas. Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Certains étudiants de l'Université du Burundi, campus Mutanga, dénoncent les activités des partis politiques qui se déroulent dans son campus, surtout les réunions organisées plus souvent par le parti au pouvoir dans l'endroit communément appelé Kunama Shingiro. Ici au campus Mutanga, les activités politiques se déroulent bel et bien, mais seul le parti au pouvoir est visible. Celui-ci y tient les réunions de ses membres, mais nous ne voyons pas les dirigeants des partis dans les enceinte du campus. Les réunions se tiennent dans des endroits communément appelés Kunama Shingiro. Ces activités politiques sont à l'origine de divisions des étudiants car ils n'ont pas la même idéologie politique. Comme conséquence néfaste de ces activités des partis dans le campus, il s'observe un climat de suspicion et de méfiance entre les étudiants. Par exemple, s'il y a un petit malentendu entre étudiants, celui qui n'est pas membre du parti au pouvoir paie les pots cassés et la cohabitation en souffre. D'autres étudiants précisent que les réunions des partis politiques organisées à l'intérêt de tout le monde n'ont pas de conséquences. Malgré cela, ces étudiants indiquent que la combinaison des activités politiques et des études impacte sur les activités académiques. Les activités politiques ont perturbé les activités de l'Université du Burundi depuis la naissance des partis politiques. La qualité de la formation est alors mise en cause. Le secrétaire général du parti au pouvoir indique que c'est le responsable de l'Université du Burundi et le ministère en charge des partis politiques peuvent s'exprimer par rapport à cela. Merci Jean-Marie Vianney. Le recteur de l'Université du Burundi a indiqué ne pas être au courant de ces activités. Audace Manilambona affirme néanmoins qu'il va s'enquérir de cette situation et promet de s'exprimer ultérieurement. Toujours en politique, en bref, le responsable du parti CNL dans la commune Lugombo et la responsable de la Ligue des femmes sur la colline Malambo 1 de la même commune en province Cibitoki qui sont l'un au cachot communal et l'autre au cachot provincial depuis dimanche dernier. Selon les sources policières, Christophe Banyangiyubusa et Sandrine Chemilimana sont accusés de tenir des réunions sans l'aval des autorités administratives alors que les activités de ce parti sont suspendues par le ministère de l'Intérieur. Simon Mungo, secrétaire général de ce parti, parle d'arrestation en dehors de tout cadre légal. D'après lui, ils effectuaient des travaux de propriété à la permanence du parti. Il demande qu'ils soient relâchés, expliquant que ce sont des activités d'intimidation à l'endroit des membres de leur parti. Après une courte pause, on continue cette édition dans la province de Kayanza. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro en ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales, sur Facebook, c'est Radio Isanganiro, Radio-Télévision Isanganiro RTI et sur X, RT Isanganiro. Dans le site de cette édition, il s'observe une pratique des usuriers qui achètent des plants de maïs non encore mûris à un prix variant entre 500 et 800 le paquet en commune Muruta. En province Kayanda, certains habitants de Muruta s'inscrivent en faux contre cette pratique dite Mguazo et indiquent qu'elle est faite par des chefs de ménage sans que leur famille soit au courant. Le gouverneur de la province Kayanza, Lemi Tishahayo, trouve que cette pratique pourrait être à l'origine de la famine dans les ménages. Il appelle la population à la décourager. Patrick Nsengiyumba pour plus de détails. Les collines de la commune Muruta où il se fait parler cette pratique de vendre les champs de maïs aux usuliers engagés de ce qu'on appelle communément Umugwazo en Kirundi sont principalement les collines Ngonge, Buzira, Guhindwa, Nyamiyogoro et Mikuba pour ne citer que celles-là. Les habitants à Muruta avec lesquels nous sommes entretenus sur ce sujet disent qu'ils déplorent qu'il y ait des chefs de famille qui donnent engagés les champs de maïs aux usuliers et cela à l'insu de leurs femmes. Ces habitants trouvaient que ceux qui acceptaient de prendre l'argent des usuliers dits Umugwazo sont des gens mal intentionnés qui s'en foutent de la servir de leur famille et leur demander de se ressaisir et couper court à cette mauvaise pratique. Et au niveau de l'administration provinciale Kayanza, on dit apprécier négativement cette pratique dite Umugwazo appelée la population à sa lutte. Rémi Chicha, gouverneur de la province Kayanza, a invité les familles de le chef du ménage à vendre à l'avance les champs de maïs de résister contre les usuliers bientôt pendant la période de la récolte. Martin Itélé, c'est le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions liées, appelle les administratifs à punir sérieusement ces usuliers qui achètent à l'avance la production de la population, engagée d'une somme insignifiante appelée Umugwazo. Vous saurez que cette pratique d'achat et de vente de la production du maïs qui n'est pas encore mûri aux usuriers se fait parler également ces jours-ci dans les communes de la province Kayanza comme Gatara, Kayanza et Mwanga. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengiyumba. Une nouvelle en mairie de Bujumbura avant la chronique parlera sur moi. Les habitants du quartier Gikungu rural proche de la rivière Nyenzali de la zone Gihoshan commune Nahangwa disent toujours dormir la peur au ventre. Ils expliquent que cette partie s'affaisse de jour en jour en portant des maisons. Ces habitants demandent au gouvernement de leur venir en aide comme il l'a fait pour les habitants de Omogobo Kachéla. Ilambona s'est rendu sur les lieux. Deux endroits, à savoir la cellule Gichacha et le quartier Gikungu rural, se trouvant dans la zone Gihosha, commune Nahangwa, sont menacés par cette rivière dénommée Nyenzari. Arrivés sur place, ce qui se remarque, c'est que les deux parties qui surplombent cette rivière s'affaissent de jour en jour, menaçant les maisons qui se trouvent à cet endroit. Les habitants de cette localité indiquent vivre la peur au ventre. Lorsque j'étais enfant, cette rivière était petite, qu'on pouvait la traverser par un saut. Il n'y avait pas de fossé. On a construit sur les collines surplombant cette rivière et ils ont commencé par s'affaisser petit à petit. On est arrivé à une situation où nos maisons sont emportées pendant la journée. Même tout près de chez moi, la situation est ainsi. Nous ne sommes pas tranquilles. Nous sommes les prochains. Est-ce qu'ils veulent qu'on soit emportés avec nos enfants? Ils demandent aux autorités de leur venir en aide de la même manière qu'ils l'ont fait pour la rivière Nahangwa. Les autorités viennent. Nous leur exposons le problème, mais sans suite. Nous leur demandons de nous venir en aide, sinon même Mutangano sera touché. Nous continuons à planter les arbres comme les bambous pour éviter que ces glissements continuent. Nous demandons qu'on nous aide comme ils l'ont fait à Mugoboka. Et ils ont poussé un ouf de soulagement. Plus de 6 ménages ont été obligés de vider les lieux suite à ces glissements de terrain qui menacent cette localité, d'après une information tirée sur place. Dirigeons-nous en province Ngaro où plus de jeunes se rendent dans les formations sanitaires pour demander des informations relatives à la santé sexuelle et reproductive. Cela entraîne des grossesses précoces selon les autorités administratives et sanitaires dans la province de Ngaro. À titre d'illustration, 13 filles âgées de moins de 18 ans sont tombées enceintes au cours des 6 derniers mois. Ces autorités conseillent au personnel du secteur de la santé, l'éducation et des confessions religieuses de conjuguer les efforts pour améliorer cette situation. Laurent Ndikulio. Selon le gouverneur de la province Muaro, dans cette province, le programme de la santé sexuelle et reproductive est mis en application par différentes formations sanitaires qui donnent aux jeunes différents services dont certains sont octroyés gratuitement. Colonel Gaspard Gassanzoué souligne pourtant que les jeunes qui se confient à ces formations sanitaires sont peu nombreux par rapport aux effectifs attendus. Selon les données fournies par cette autorité administrative à Muaro, au cours des 6 derniers mois, 13 jeunes filles dont l'âge varie entre 15 et 17 temps sont tombées enceintes. Il précise en outre que, au cours de l'année scolaire écoulée, 38 cas de grossesse précoce ont été enregistrés dans cette province. Colonel Gaspard Gassanzoué, gouverneur de la province Muaro, conseille au personnel du secteur de la santé de faire la sensibilisation de ces jeunes jusque dans la communauté afin d'améliorer les résultats. Perpétue Nirakigwa, point focal en santé sexuelle et reproductive des jeunes au bureau provincial de la santé à Muaro, dit quant à elle que jusqu'à la fin du mois de décembre de l'an 2022, 6 filles âgées de moins de 18 ans ont mis au monde dans cette province. Au cours de cette même période, 309 cas d'accouchement ont été enregistrés dans la province Moaro pour des mères âgées de 15 à 19 ans. Elle souligne pourtant que des séances de sensibilisation en santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents avaient été organisées par le personnel médical dans cette province à l'endroit de plus de 4000 jeunes. Polycarpe Ndouaïo, directeur exécutif de l'Alliance burundaise contre le sida et pour la promotion de la santé ABS en sigle, conseille à ces jeunes de se confier aux structures de santé pour bénéficier des services qui sont prévus pour eux. Ce mardi s'est tenu au chef-lieu de la province Moaro une réunion regroupant le personnel du secteur de la santé, de l'éducation, des confessions religieuses et autres pour que le programme de la santé sexuelle et reproductive ait de bons fruits dans cette province. De moi, Laurent Décollier, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Il existe des adages et proverbes utilisés dans la société burundaise qui dévalorisent la fille et la femme ou qui peuvent conduire à la violence envers les femmes. Le socio-anthropologue Blaise Izelimana explique que des fois, ces expressions sont mal interprétées et utilisées pour montrer à la femme qu'elle n'a pas de contribution à donner autant que les hommes. Pour lui, ce comportement est à bannir et des enseignements doivent être donnés dès le bas âge sur les valeurs du bonheur et de la non-violence. Chronique par le Rassure-moi, signée Francine Dirokugayo. Ce sont des proverbes et expressions qui sont utilisés dans la vie courante et qui stigmatisent la femme. Sur base des exemples, le socio-anthropologue Blaise Izelimana montre que finalement, ces réalités sociales empêchent l'épanouissement de la femme. Une peau ne peut pas chanter lorsqu'il y a un croc, ce qui peut même empêcher la femme de s'exprimer, même lorsque... Elle a une suggestion importante ou quelque chose comme ça. On a aussi d'autres proverbes comme Najambogimogore, donc tout ce que vise la femme et dit n'importe quoi. On a aussi d'autres proverbes qui appellent aussi à la violence. Par exemple, Kiganda Chumogore, Kiganduzwa Uhiri, Kiganduzwa Honi. Donc une femme qui essaie de se révolter doit être battue. Une femme qui ne comprend certaines choses lorsqu'elle demande des explications, il faut l'abattre. Des expressions qui sont mal interprétées par la société, d'après le socio-anthropologue. C'est comme un crédit qu'on nous a donné qu'il y a une partie de la population qui est stigmatisée, qu'il faut alors chercher à relever ce défi, qu'il faut chercher à les inclure, qu'il faut alors laisser d'utiliser la violence, qu'il ne faut pas battre les femmes par exemple, qu'il ne faut pas laisser d'utiliser la violence comme moyen de résolution des conflits. Il ne faut pas essayer de se légitimer en disant que ça a été ainsi. Ces adages, c'est plutôt un cri d'aide qu'on nous a fait. C'est alors à nous de chercher comment relever ce défi. Il faut lui donner le temps de s'exprimer. Alors toute la population, toute la société burundaise devait être au courant de ça pour qu'il participe et aussi à relever ce défi. Blaise Izelimana montre que de tels langages peuvent causer des problèmes sur base des injustices sociales. Un enfant qui va grandir et qui voit qu'une femme, une petite fille, qu'il faut la battre, qu'il ne faut pas qu'elle se lève devant les hommes et parler, il va conclure, il va comprendre que les femmes sont à la maltraiter, les femmes sont à violer, les femmes sont à stigmatiser, ce qui peut même créer des problèmes aussi de la société. Donc une société qui a une partie de la population qui est stigmatisée, donc qui ne contribue pas dans le développement de son pays. C'est vraiment un pays qui a des problèmes. Le socio-anthropologue Blaise Izelimana trouve que les gens doivent être sensibilisés à agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-violence active depuis l'enfance. Il appelle ainsi les filles et les femmes à militer pour leurs droits. Francine Ndihokugayo. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci encore pour votre oreille attentive et fidèle. Doré Bingabi l'agité à la présentation. Anselme Milan Bonna assuré la mise en onde. Excellente suite des programmes sur Isanganiro.